Ce chat est à toi ? Celui-là ? Non, ce n'est pas le mien. C'est celui de ma fille. Ce parfum est à toi ? Celui-là ? Non, ce n'est pas le mien. C'est celui de ma fille. Cette bague est à toi ? Celle-là ? Non, ce n'est pas la mienne. C'est celle de ma fille. Cet imperméable est à toi ? Celui-là ? Non, ce n'est pas le mien. C'est celui de ma fille. Ces boucles d'oreilles sont à toi ? Celles-là ? Non, ce ne sont pas les miennes. Ce sont celles de ma fille. Ces disques sont à toi ? Ceux-là ? Non, ce ne sont pas les miens. Ce sont ceux de ma fille. Ces chaussures sont à toi ? Celles-là ? Non, ce ne sont pas les miennes. Ce sont celles de ma fille.